La délégation de la Communion mondiale de l'Église réformée, conduite par son directeur général Jerry Pillay, a visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le monument aux idées du Juche, le palais des sciences et techniques, le delphinarium de Lunlun, etc.